casque. Aujourd'hui c'est moi la petite voix qui te les casse. PHIL la menace, trop habitué aux soirées fiction et classe. J'ai pas réussi un casting, c'est peut-être parce que mes chansons sont de vrais casse-tête. Je ne suis pourtant pas has-been, à la pointe du progrès je ne copie même plus de cassette. Et je dis fuck à la recette que j'aurais pu check en vendant ce texte. Je m'en fous, c'est qu'un test comme quand tu viens de perdre un match à PES. Je me fie pas à ça, en plus moi je joue plutôt à FIFA. Ne fais pas ça, fils, ça, je pose en m'imposant des règles d'état. Comme ça tu vas kiffer ma voix qui se propagera sous plusieurs toits. Comme un cheval de Troie dans ton PC, pas le temps de compter jusqu'à 3. Tu m'as en MP3 dans ta PS3 et ta Mazda 3. Maintenant nos liens sont étroits, tiens prends mon album, il est 3x3. C'est gratuit, je t'en prie, même si t'aimes pas, c'est sûr que ça en vaut le prix. Piston, si t'as tout compris, tu fileras ce piston à tous tes amis. C'est gratuit, je te dis, en plus c'est légal, je t'assure, c'est free. Ouais, tu peux cliquer, vas-y, je sais que t'es pas habitué, mais ici c'est permis. T'as appuyé sur power et laissé tourner ton ordinateur. Plus de 24 heures tel Jack Bauer. En même temps tu te faisais le château de Bowser. Sur ta TV avec ta Wiimote, t'as tellement de high tech que t'as 36 remotes. Tous ces trucs te ligotent à ton chez toi et font que tu gigotes. Sur mes notes et tes potes font la même mais n'en veulent pas, c'est ta porte. Tu n'as plus besoin de ta pote depuis que tes doigts sont collés à ton clavier note. Que si mes textes la mangent, t'invite à en parler autour d'un thé à la menthe. Je te mettrai pas à l'amende même si tu ramènes ta console et ta bande. Si t'es un geek et que t'es fier, saute sur ma zik, lève ton iPhone en l'air. Tu te sens magique et ta merde, c'est pas que le clic droit est extraordinaire. C'est pas normal, explique-lui que tu pompes tes X sur son compte, dis-lui. Que tu vis aussi la nuit, que tu n'as plus d'amis, mis à part ta souris. Ce que j'y te fais sourire, désolé mais j'ai l'habitude de l'ouvrir. Je crois qu'il est temps d'agir, de sortir pour courir et puis de recourir à la réalité, mes tracks sont virtuels, mais ce que je dis est réel. Devenu banalité, clique sur ma bannière pour les télécharger.